Les cheveux blancs d'Alexis Bouvier, enregistré pour LibriVox.org. Enfant, lorsque dans le village vous voyez passer un vieillard, tout tremblant du poids de son âge, n'ayant vivant que son regard, en voyant sa tête blanchie, ne riez pas, petits enfants, car c'est la neige de la vie. Ah, respectez les cheveux blancs. Eux seuls, ils peuvent vous instruire dans la vie en guidant vos pas. Écoutez ce qu'ils ont à dire et, jeune fou, ne riez pas. Si vous avez gaieté, folie, ils n'ont plus rien, eux, mes enfants, rien que la neige de la vie que l'on nomme les cheveux blancs. Enfants, croyez en leur sagesse. La vie, hélas, est un écueil où la confiante jeunesse peut se briser sur un cercueil. Regardez-les avec envie, car sachez-le, pauvres enfants, un rien peut briser votre vie. N'a pas qui veut des cheveux blancs. Fin du poème, enregistré par Ezoie, en Belgique, en novembre 2016. Cet enregistrement fait partie du domaine public.